morceau. Quel mauvais j'y pose et quel verre ou quel couplet. Y a tant de choses à dire que mon esprit confus laisse tout s'enfuir pour chercher un peu plus. Et des mots qui feront rire ou des phrases trop crues. Des mots pour réfléchir sur ce qu'on a toujours dû. C'est une feuille blanche où mon âme se penche. Oui. Quel mot vais-je poser? Qui vais-je incriminer? C'est vrai qu'on peut chanter l'amour à chaque mot. Chanter pour faire rêver, chanter la terre et l'eau. Mais si personne ne fait, qui dira ce qu'il faut pour sensibiliser ceux qui ont mal dans la peau? Se penche. C'est une feuille blanche. Même le temps se penche. C'est une feuille blanche. C'est ce qu'il me fallait pour que mon cœur épanche.